Donc, le suivant, je ne sais pas c'est qui, mais je crois qu'il a beaucoup souffert par le passé d'un problème d'emballage parce que cette fois-ci, s'il y a une chose qui est abîmée dans ce colis-là, je serais extrêmement surpris. C'est quasiment un défi de réussir à abîmer quelque chose. Là, on va ouvrir la chose et on vous revient un instant. Wow! Donc, notre gagnante, que les produits ne seront pas abîmés, c'est ma belle Sarah. Je tiens à souligner que tu es totalement, complètement, exactement tombée dans mon péché mignon, ma chère. Ce produit-là va disparaître avant Noël, c'est sûr et certain. Excuse-moi, ma belle, je capote. Je n'ai pas de mots pour exprimer comment je me sens. À part que j'aimerais beaucoup que tu m'écrives un courriel pour qu'on fasse des discussions de long en large, comment tu parviens à obtenir ceci. Donc, j'en parle pas plus, mais je suis vraiment épatée. On en prend une autre. Donc, la suivante va être. Oh! Oh, c'est que. Ah! Docteur Maman! Le rouge est de mise. Oui, hein? C'est très Noël, c'est cute! Ok, on déballe ça, puis on vous revient. Ok, Docteur Maman, t'es tombée dans mes cordes pour des fragrances, ça, c'est sûr et certain. Ça sent tellement bon! Ok, deux beaux cadeaux, deux belles idées. J'adore à 100%. J'ai bonnes fragrances. Des bonnes fragrances, on l'a dit. Vraiment, merci, Docteur Maman. Je comprends pourquoi tu vends si facilement tes produits et que tu fais partie de Bohémienne et tout ça. C'est professionnel à mort. Bravo. Pas de nom, pas. Un sac à surprise, un sac à bonbons. L'identification. Ça va être sûrement à l'intérieur, ça fait partie de la surprise. Donc, donnez-moi un instant, on ouvre ça et on vous revient. Donc, c'était troqueuse. De belles fragrances, de belles couleurs, de beaux moules. C'est trois belles idées. Merci beaucoup, troqueuse, pour ce swap-là. On va beaucoup s'amuser avec ça. Et nous voici avec une invitée surprise. Lindy vient de se joindre à nous. Elle a senti les fragrances. Elle a senti, oui. Mais bémon, ce que tu fais là. Ok. On vous revient une fois que ce petit pépin est rétabli. Ok. Je suis de retour, Miss Lady sur les genoux. Et le cadeau de Linda au bout de la patte de Lady. En passant, elle aime beaucoup, beaucoup, beaucoup tes fragrances. Linda, t'es tombée pile dans mes cordes. Tu vas probablement même me sauver la vie à deux, trois reprises cet hiver. Et là, il me reste à déballer ton cadeau principal. Je n'avais pas encore eu le temps avec les petits problèmes à quatre pattes que j'ai eus. Donnez-nous un petit instant. Ok, Linda, j'ai une bonne nouvelle pour toi. T'as probablement la plus belle photo de mon swap de Noël. Une fois déballé, ton produit était tellement bien enrichi par ce que tu as utilisé que la photo est à tomber par terre. Deux très beaux produits, deux produits que je vais utiliser avec plaisir. Merci beaucoup, Linda. Nous poursuivons avec Amy Savant, qui n'a pas pu résister à son amour du rose. On reconnaît tout de suite son emballage parmi les autres. Donc, on ouvre ça et on vous revient. Wow! Une odeur! Mais une odeur tellement gourmande que je vais engraisser. Merci, Amy. C'est pile ce que le médecin avait recommandé pour ce que j'ai. Donc, je vais m'en servir de A à Z, inquiète-toi pas. Je te dirais même que Miss Lady, quand elle a eu pu mettre son pif proche de ton produit, s'est mise à se tortiller à droite à gauche. Toutes les filles de la maisonnée capotent sur ton produit. Donc, j'ai déjà commencé à en mettre. Maman, mon chef a déjà commencé à l'utiliser. Donc, merci beaucoup, Amy. Oups, j'ai oublié même de parler de l'à côté qui est lui aussi très gourmand. Merci, Amy. Ok, nous poursuivons avec un autre sac qui cache bien des mystères. Ho, ho, ho! Ouais, hein? Petit indice avec qui l'a envoyé. Oh. Bon, il m'a glissé les mains. Oh! Oh, oh, oh! Oh! Ah, ben c'est Nadeux qui nous a envoyé ça. Oh, c'est bien emballé. Ah, ben ma chère, avec la petite carte que t'as joint. Moi aussi, je te souhaite mes meilleurs vœux pour le temps des fêtes. Qu'est-ce que tu nous as fait? Oh, ben Nat, c'est super! On en a besoin en hiver. On en a besoin en hiver. Très réconfortant comme produit. J'ai hâte. Je me permets une petite nifette, excusez-moi. Ah! Qu'est-ce que ça sent? Oh, c'est très féminin. Merci beaucoup, Nad. Inquiète pas, il en restera plus dans pas longtemps chez nous. Donc, la suivante, c'est ma très chère Miel, qui a une main incroyable quand vient le temps d'emballer des choses. Je ne réussis jamais de ce genre de truc. Donc, Miel, je te décerne un prix, un très bel emballage. Ton produit sent extrêmement bon. Et ton à côté va faire mon bonheur pendant mes longs bains moussants. Je te remercie beaucoup. J'ai même pas osé défaire l'emballage tellement qu'il est beau. Par chance, ça nous laisse deviner facilement ce qu'il y a dedans et même l'odeur peut se promener. C'est super, Miel, merci. Le dernier et non le moindre, Julie, qui a réussi une technique avec laquelle je me bats depuis plusieurs mois. Maman chef était totalement jalouse quand elle a vu sortir ton produit. Le petit à côté, qui est presque aussi, même qui est très original, j'en ai jamais eu, c'est très bien pensé. Ça va, comment dire, mettre un peu de féerie ambiance. Des fêtes, un peu d'ambiance dans le temps des fêtes. Je te remercie, Julie. T'étais la dernière, mais c'était vraiment pas le moindre. T'as vraiment eu une bonne idée. Maintenant, il nous reste à identifier notre colis mystère, donc la personne qui nous manque le nom. Ça va prendre quelques instants. Excusez-moi, je vais aller sur le forum fait maison pour comparer qui nous avons et qui nous n'avons pas trouvé. OK, on l'a trouvé, notre petite gênée. Pourtant, avec les produits qu'elle a fait, elle n'a pas été gênée, mais bon. Hey! T'as dansé le micro? OK. Lady. Notre petite gênée, c'était Dusty, si je ne me trompe pas. Je peux me tromper, mais je pense que je parle ça de mon coup. Donc, Dusty, ma chère, qui est ton fournisseur de petits pots? Excusez-moi, il y a un petit pot qui part. Et il est à tomber. Vraiment, je l'adore. Et le produit que tu as fait, tu as utilisé un ingrédient que je cherche activement depuis longtemps. Écris-moi. Exactement, maman chef. Peux-tu nous écrire, s'il te plaît? Mais enfin, les deux... Il y a deux petites choses. Les deux sont fabuleuses, fantastiques, merveilleuses. C'est des produits que je vais bien aimer. Donc, merci beaucoup, ma chère Dusty. Tu n'as pas à être gênée le prochain coup. Mets ton nom! Donc, mesdames, c'était mes commentaires pour le swap de Noël 2009 du Forum des Maisons. Ce fut un plaisir d'y participer avec vous. Et je vous souhaite une bonne Noël, bonne année. Santé, amour, prospérité, tout ce que votre cœur peut désirer. Je vous embrasse. Bye. C'était Miss Lady, maman chef et Caléas Fée, le 12 octobre 2009.